L'esprit planait sur les ténèbres. Pour se plaire, il créa la terre et vit que cela était bon. Puis il inventa le soleil, séparant cet amas debout, mit des oiseaux sur la planète. Sculpta un homme à son image, il avait rajouté partout des arbres, des fleurs, des fruits sauvages, mais l'homme semblait manquer de tout. Malgré les animaux magiques, l'esprit trouvait bien malheureux. Aussitôt passée la surprise, l'homme s'ennuyait à nouveau. Il eut alors l'idée splendide de faire la femme d'un de ses os. Oh. Que cela était bon pour ne pas déranger l'idylle. Sur l'île, il les laissa tranquilles. D'un milliard d'étoiles les abrille, comme pour border un enfant. L'esprit revint de temps en temps, et plus l'on va, plus l'on constate. L'homme n'a Dieu que pour sa race, et tout périt à son contact. Il s'apocalypse lui-même, les anges refusent nos prières. On a tout recouvert de ciment. Les poissons meurent, les oiseaux partent, les espèces sont de plus en plus rares. L'amour en est au stock market, la justice balance et encante. On juge pollué sans lueur, on s'apocalypse déjà. J'espère que l'esprit reviendra, et que l'esprit nous reviendra un matin quand le soleil s'étire, quand il déborde à l'horizon. Un matin quand le soleil s'étire, quand il déborde de l'horizon.